Donc je vais essayer de faire partager un petit peu l'expérience que nous avons eue à la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche. Bon, elle se situe toute seule par son nom. C'est côté sud et ouest, c'est les Gorges de l'Ardèche qui nous limitent, et côté est, c'est la vallée du Rhône. 10 communes, 20 000 habitants, un sixième du territoire de l'Ardèche en superficie, donc 30 800 hectares, et en population, c'est un sixième aussi de la population du département. Cette communauté, elle existe depuis 2003, et dès la création de la communauté, outre les quatre compétences obligatoires de communauté de communes, on a pris la compétence énergie. Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on était sollicité depuis très longtemps déjà, depuis 3 ou 4 ans, par des quantités de développeurs, je parle surtout pour de l'éolien, qui venaient sur notre territoire, qui ne s'adressaient pas forcément aux élus au départ, mais qui allaient toucher directement les propriétaires privés, et qui leur promettaient monts et merveilles, et qui semaient un petit peu la zizanie au niveau de nos administrés. Et on se retrouvait de ce fait un petit peu en deuxième ligne, et les administrés nous disaient « oui, mais vous nous cachez des projets », alors qu'en fait, on n'était même pas encore au courant de ces sollicitations. La deuxième cause aussi de cette prise de compétence rapide, c'est que sur ma commune, alors je suis maire d'une petite commune qui ne souriait pas, elle s'appelle Bidon, et il y a quelques élus ici qui connaissent. Et il y a un développeur aussi qui est là, dans la salle et qui connaît bien. Donc Bidon, c'était en 2000, il y avait un porteur de projet pour un parc éolien de 12 machines d'une puissance totale de 24 MW. Et j'ai porté ce projet pendant 3 ans en tant que maire. Et puis ensuite, j'ai refilé le bébé à la communauté de communes dès que celle-ci a pris la compétence énergie. Donc c'est un petit peu pour ces deux raisons que, dès le départ, on a pris la compétence énergie. On est aussi un petit noyau de maires, j'allais dire, un peu responsable au niveau de l'environnement. On pense surtout à l'avenir de nos enfants. Donc, pour nous, la compétence énergie ne nous posait pas trop de problèmes. Bien que nous soyons tous, sur ma communauté, élus en grande partie par des gens qui travaillent sur Tricastin. Et qu'on parlait d'énergie renouvelable. Je précise bien, la compétence énergie, c'était énergie renouvelable. Donc, très vite, on s'est dit, il faut qu'on se dote d'un document cadre qui va permettre un petit peu de recentrer et de donner des pistes de travail aux développeurs. Et on a travaillé donc pendant 2 ans en interne avec une chargée de mission. Et on s'est rendu compte qu'on avait tout de même, malgré tout, besoin... Alors, contrairement peut-être à ce que peut dire Marc, on avait tout de même, nous, on a estimé qu'on avait besoin de bureaux d'études. Donc on a lancé un appel et on a sélectionné 2 bureaux d'études, Solagro, d'une part, pour la filière biomasse, et puis Abies, pour l'éolien et le photovoltaïque. J'ai oublié de vous dire que le but de ma communauté de communes, c'était de devenir 100% autonome à l'horizon 2020, et qu'on voulait monopoliser sur la communauté toutes les ressources, tout le potentiel énergétique disponible. C'est pour ça qu'on a parlé aussi biomasse, bien qu'on n'ait pas de forêt comme celle qu'on voit ici, on n'a que de la forêt de chêne vert, mais qui est aujourd'hui très mal exploitée, voire sous-exploitée. On a travaillé donc avec ces 2 bureaux d'études pendant 2 ans et demi, et on a accouché d'un document. Alors, je vais passer un petit peu les détails puisque mes prédécesseurs l'ont très bien expliqué, très bien détaillé. Et je ne veux pas que ça fasse redondance. On est arrivé donc à un schéma de développement de l'énergie éolienne qu'on a déposé sous forme de ZDE auprès des services de l'État en juin 2012, pardon, c'est récent. On nous a dit « Oh, vous avez bossé pour rien » puisque les ZDE vont être supprimées d'ici la fin de l'année. Qui n'est pas gagné, c'est pas sûr. Et on a aussi, sur la même logique, fait un dossier de zone de développement de l'énergie solaire. Alors, photovoltaïque au sol, photovoltaïque en toiture et thermique essentiellement en toiture. C'est un peu compliqué, c'est un peu trapu, tout ce qui est en toiture. Mais bon, on y a travaillé et on arrive à quelque chose qui est d'ailleurs pour moi assez décevant. J'imaginais beaucoup plus. Sur la totalité de la communauté de communes, on arrive à 3 mégawatts photovoltaïques en toiture. Ça fait peu, je pensais qu'on arrivera beaucoup plus que ça, mais bon, voilà. Et on a parallèlement fait l'état des besoins, la consommation d'aujourd'hui, les possibilités d'économie. On est parti sur 30% d'économie à réaliser d'ici 2020, et donc les besoins à terme en matière d'énergie. Et on est arrivé globalement à 80 MW, coupe en deux, 40 pour l'éolien et 40 pour le PV. Et à partir de là, bien, on a, rencontré, reçu des développeurs, des porteurs de projets. Les terrains que l'on propose, les zonages que l'on propose sont essentiellement des terrains communaux ou intercommunaux, de façon à ce qu'on ait un maximum de retour dans les caisses des collectivités pour pouvoir ensuite alimenter en particulier une compétence qu'on vient de prendre il y a quelques années aussi. On a pris la compétence PLH, Programme Local de l'Habitat, avec essentiellement du renouvellement de l'habitat ancien ou de la restauration, de l'amélioration énergétique de l'habitat ancien, lutte contre la précarité énergétique, etc. etc. Donc, si vous voulez, cette compétence, à terme, sera 100% financée par les retombées financières des projets photovoltaïques ou éoliens de notre communauté. Au sein de la communauté elle-même, ça se passe pas trop mal. La plupart des élus sont partis franchement dans cette démarche. On a eu très peu d'opposition extérieurement à la communauté. Enfin, les élus ont été très souvent sollicités par des gens comme Vent de Colère, que certains connaissent quand vous travaillez dans l'éolien. Mais finalement, on s'est rendu compte que ces gens-là ne représentaient que 6 ou 7% de la totalité de notre population. Donc, c'est d'ailleurs la proportion au niveau national, je crois, hein, c'est à peu près ça. On ne va pas beaucoup plus loin au niveau des opposants à l'éolien. Au niveau du PV, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a pas de soucis. Les études qu'on a menées l'ont été, avec des ateliers citoyens, on a impliqué tout le monde, hein, les élus, mais aussi le monde associatif, etc., etc. Tout le monde a bien travaillé. Les chasseurs ont été très impliqués, notamment dans les schémas photovoltaïques. Et on a réussi à leur faire comprendre qu'un parc photovoltaïque, ben, finalement, c'était une réserve cinégétique. Et qu'on pouvait, abreuver le gibier, on pouvait éventuellement agrainer dans les périodes de disette et tout ça, et que pour eux c'était un vivier important, et donc ils ont très bien accepté ces zonages-là. Aujourd'hui, je dois vous faire part quand même de mon expérience personnelle. Vous savez, le projet éolien que j'avais il y a en 2000, le permis a été déposé en 2002, donc 24 MW en 12 machines. Il a été refusé par le préfet, évidemment. On a fait appel, tribunal administratif, on a fait appel de la décision du TA. On est aujourd'hui en Conseil d'État. On ira jusqu'où nous pourrons aller au niveau juridique, au niveau français et au niveau européen, parce que pour nous, moi je suis un maire engagé politiquement, je suis un vert canal historique. Et c'est mon sixième mandat, donc un refus d'un préfet, ça me fait plus peur. Et nous irons vraiment jusqu'au bout, et nous avons même, et j'espère qu'aujourd'hui d'autres élus vont faire la même chose, nous avons attaqué l'État pour manque à gagner. Non. Et je pense que s'il y avait plus... Si vous avez une jurisprudence là-dessus, à terme... Il n'y en a pas pour l'instant, j'espère que nous serons. Non. Je pense que si plus d'élus osaient attaquer l'État quand il y a un refus d'un permis pour un projet de développement durable, pour un projet qui est bien ficelé, qui tient compte de plein de paramètres environnementaux, etc., parce que mon projet, je pense qu'il est exemplaire, peut-être que les agents de l'État qui instruisent les dossiers et qui les refusent, parce que c'est en fait un pouvoir, c'est le dernier pouvoir qu'ils ont encore, c'est de dire non. Peut-être que ces gens-là réfléchiraient un peu plus, ou que le préfet leur demanderait de réfléchir un peu plus dans le refus de certains dossiers. Parce qu'aujourd'hui, Ce qui freine le plus tous ces dossiers, c'est les DDT et c'est l'Adréal. Pour des raisons, enfin, pour mon cas, c'était la présence supposée de l'aigle de Bonelli. Anecdote, c'est moi qui l'ai réintroduit il y a 33 ans dans les gorges de l'Ardèche. Et aujourd'hui, il s'oppose à mon projet. Et la présence aussi d'un radar météo à 17 km au-dessus de la centrale nucléaire de Tricastin. Et on est évidemment dans la zone d'influence du radar. Et Météo France, c'est un niet catégorique dès l'instant où il y a un radar météo dans un rayon de 22 ou 25 km. Sauf que la CNR à Tricastin a construit 3 éoliennes à 3 km du radar. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de valises. Moi, je n'ai pas effectivement des valises remplies de billets, comme EDF, comme GDF Suez ou comme la CNR. Donc, les projets portés par des petites collectivités sont plus difficiles à porter, effectivement. Alors, je dois dire que sur le montage financier au niveau de l'éolien, la communauté de communes, la commune et les habitants de la communauté auraient dû être, ou seront, allez, on va être optimiste, seront propriétaires de 3 machines et demie sur 12. Au niveau du photovoltaïque, pour l'instant, c'est un porteur, privé, 100%, qui travaille sur notre communauté de communes. On n'a pas encore envisagé de participation dans le financement donc, de ce projet. Mais le porteur de projet étant dans la salle, on pourra peut-être poser la question. Merci beaucoup.